بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، le sujet que nous allons traiter inshallah a un lien avec الدعاء, c'est-à-dire les invocations, et le titre ça sera كلمات في فقه الدعاء، c'est-à-dire quelques mots ou quelques commentaires concernant la bonne compréhension et la bonne conception de l'invocation الدعاء. Et nous allons nous baser sur cette risala ou cette épître qui a été écrite par Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala, qui est un enseignant à l'université islamique de Médine et également dans la mosquée du prophète à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce sujet? Parce que vous savez tous, ou la plupart d'entre vous connaissent ou bien ont entendu le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit الدعاء هو ماذا هو العبادة. L'invocation est l'adoration. Et vous savez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'adoration, ou plutôt que l'invocation, est l'adoration. Et nous savons tous que l'invocation est une partie de l'adoration pour laquelle nous avons été créés, et qu'elle n'est pas toute l'adoration pour laquelle nous avons été créés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette chose-là, il veut nous faire comprendre la grande place qu'a cette invocation par rapport à l'adoration ou dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, le prophète a dit Al-Hajj Arafah, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est Arafah. Arafah, c'est un endroit dans lequel vont se recueillir les Hujjaj, les pèlerins. D'accord? Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir prié Salat al-Dhuhr wa al-Asr en deux rak'a, et de manière regroupée, ils se mettent à invoquer Allah jusqu'au coucher du soleil. Pour montrer l'importance de ce rite parmi les rites du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Hajj c'est Arafah. Et nous savons tous que Arafah est une partie du pèlerinage et non le pèlerinage complètement. De la même manière, l'invocation c'est l'adoration, c'est-à-dire l'invocation a une très grande place dans la religion et fait partie des plus grandes adorations. Et l'adoration est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et beaucoup de gens ont une mauvaise conception de l'invocation. Ou bien, ils invoquent mal, ou ils font des erreurs, ou ils ne savent pas les comportements à adopter lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens également invoquent autre qu'Allah en pensant que cela fait partie de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc des mauvaises compréhensions qu'il faut corriger. Et donc, dans cette épître que le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a écrit, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous dit que le fait de comprendre l'invocation et d'avoir la bonne conception de celle-ci fait partie de la compréhension dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui nous a rapporté par al-Bukhari selon Muawiyah radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il lui donne la compréhension de sa religion. Par conséquent, la compréhension de l'invocation et de ses conditions pour qu'elle soit acceptée et de la manière à, pour invoquer Allah et les comportements à avoir lorsque l'on invoque Allah, tout cela est important et tout cela fait partie de la bonne compréhension de la religion. Ensuite, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de l'invoquer. Et Allah a dit dans le verset, فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Dans le début du verset, هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dans surat Ghafir, Allah nous dit, il est le vivant, celui qui a la vie parfaite, qui n'a pas été précédé par le néant et qui ne sera pas rattrapé par l'anéantissement et qui en elle-même est parfaite. Il est le vivant parfait. Aucune divinité ne mérite donc l'adoration sauf lui. Adorez-le donc, Allah Azza wa Jalla dit dans le même verset, adorez-le donc en lui vouant la religion sincèrement. Fad'ouhu mukhlisina lahu ad-din. Adorez-le donc ou invoquez-le donc en lui vouant sincèrement la religion. Le shirk, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a appelé l'invocation religion. Car Allah nous dit, invoquez-le donc en lui vouant sincèrement la religion, c'est-à-dire en lui vouant sincèrement cette adoration ou cette invocation que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'invocation religion pour montrer la grande place qu'elle a dans celle-ci. Également dans un autre verset qui se trouve dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration entreront en enfer humiliés. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer. Et nous rend obligatoire le fait de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il nous informe sur la gravité du délaissement de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration ». Il a donc appelé l'invocation « adoration ». Dans le premier verset, il a appelé l'invocation « religion ». Nous voyons donc l'importance de l'invocation. Et c'est le sens du hadith que nous avons cité précédemment « Ad-du'a huwa al-ibada ». Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit afdalul ibada ad-du'a, la meilleure des adorations c'est l'invocation. Et ce hadith est rapporté par Hakim et jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah selon Abdullah ibn Abbas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalul ibada ad-du'a, la meilleure des adorations c'est l'invocation. Et justement à travers ce cours, inshallah, nous allons voir pour quelle raison la meilleure des adorations est l'invocation. Il nous dit donc que la ad-du'a ibadatun jalila wa ta'atun 'azima wa qurbatun min al-qurab al-'idham التي يحبها الله جل وعلا من عباده. C'est donc une grande adoration qui a une grande place chez Allah et c'est un énorme moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime de ses serviteurs qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit والبحث في هذا الموضوع واسع جدا وجوانبه كبيرة ومتشعبة لكن أسأل الله جل وعلا أن ييسر للإتيان على مهمات هذا الموضوع والوقوف على بعض جوانبه العظيمة. C'est donc un sujet vaste et qui a une très grande importance que nous allons traiter. Ensuite, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter le fait de traiter ce sujet d'une manière brève et en même temps compréhensible pour les gens. Et le premier point qu'il va traiter, c'est plutôt les mérites de ad-du'a, de l'invocation, fadl ad-du'a. Parce que le musulman, lorsqu'il veut faire un acte par lequel il espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui faut une chose qui le pousse à faire cet acte et qui l'encourage à faire cet acte et qui lui enlève la paresse de faire cet acte. Et cette chose-là, c'est le fait de montrer les mérites de cette action que cette personne veut faire. Et c'est pour cela que beaucoup de versets et également de hadith ou de ahadith sont venus nous montrer les mérites très nombreux. Beaucoup de versets et de hadith sont venus nous montrer les mérites de l'invocation et ce que va gagner la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que celui qui lit le Coran et qui observe en méditant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra de nombreux versets et de nombreux textes qui viennent appuyer ou montrer les mérites de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit: إن أول سورة افتتح بها كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة مشتملة على هذه العبادة العظيمة وخاتمة القرآن سورة الناس أيضا مشتملة على هذه العبادة العظيمة فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء واختتم به فالدعاء الذي في الفاتحة هو أعظم الأدعية على الإطلاق سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم وأن يجنب العبد طرق الضالين والمغضوب عليهم وخاتمة كتاب الله عز وجل فيه الدعاء بالتعوذ به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ليصرفهم عن صراط الله المستقيم والجادة السوية. Il nous dit, le livre d'Allah qui est le Coran, subhanahu wa ta'ala, a été débuté ou commence par Surat al-Fatiha et termine par Surat al-Nas, comme vous le savez tous ici. Il nous dit que nous trouvons dans Surat al-Fatiha cette immense adoration de laquelle nous sommes en train de parler, qui est ad-du'a, car Surat al-Fatiha est une invocation. Sourate al-Fatiha est une invocation, comme a dit un des savants de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans un commentaire qu'il a fait sur Sourate al-Fatiha. Et nous voyons que dans cette surah, nous devons dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et c'est même la meilleure des invocations en vérité. Parce que le droit chemin, c'est le fait d'adorer Allah seul, sans associé. Et de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de se soumettre aux ordres d'Allah. Et de rester ferme dans cette voie, jusqu'à rencontrer Allah. Et c'est le seul chemin qui puisse mener une personne au paradis. Et c'est la seule clé pour ouvrir la porte du paradis. C'est donc la meilleure invocation à faire, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider dans ce droit chemin. Et c'est ce que nous trouvons dans la première des sourates ou des sourates du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, sourate An-Nas, qui est la dernière des sourates du Coran, nous trouvons dans cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de chercher la protection et refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qui provient du mauvais conseiller, qui provient de celui qui insuffle les mauvaises suggestions, les mauvaises pensées, qui est le shaitan, et qui peut également faire partie des hommes. Donc, vous voyez que dans le début du Coran, il y a une invocation, qui est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider dans le droit chemin, pour suivre le droit chemin et pour rester ferme dans le droit chemin. Et dans la dernière sourate du Coran, il y a une invocation dans laquelle on demande à Allah la protection. La protection contre quel mal? Contre la déviance de ce droit chemin. Et c'est là la sagesse, c'est là la sagesse renfermée dans le fait que la première sourate, qui est sourate al-Fatiha, détient une invocation pour nous guider dans le droit chemin, et la dernière, qui est sourate al-Nas, détient une invocation pour ne pas être dévié du droit chemin si on suit les mauvaises suggestions. Donc Allah veut nous montrer en même temps que l'invocation a une grande place chez lui, et que l'être humain ne peut pas se passer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous informe de ce qu'a dit al-shaytan: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah nous dit dans ce verset que Shaitan, lorsqu'il a demandé à Allah de lui accorder un répit pendant lequel il aurait la capacité d'induire les gens en erreur et de les égarer de la voie droite et du droit chemin, Shaitan a dit à Allah: puis je vais venir à eux par devant, par derrière, à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'eux reconnaissants. C'est-à-dire, Ash-Shaytan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala que je vais fournir tous les efforts qui sont en ma possibilité pour égarer tes serviteurs, et je leur viendrai par derrière, par devant, à droite, à gauche, et je leur insufflerai toute forme de mauvaise suggestion et de péché et de tentation jusqu'à ce que j'arrive à égarer la plupart des gens, de sorte à ce qu'ils ne soient plus reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sourate An-Nas, nous trouvons l'invocation dans laquelle nous demandons à Allah de nous protéger contre cette insufflation ou cette suggestion qui provient de ce shaitan. Donc nous voyons l'importance de demander à Allah la protection, et plus globalement l'importance d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit: فَهَذَا الْبَدْءُ وَالْخَتْمُ فِيهِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَهَمِّيَةِ الدُّعَاءِ مِنْ جِهَةٍ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الدُّعَاءِ لِلثَّبَاتِ عَلَىٰ صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Il nous dit, nous voyons donc dans le fait que le Coran a été débuté par une sourate dans laquelle se trouve une invocation, et terminé par une sourate dans laquelle se trouve également une invocation, l'importance de celle-ci. Et l'importance, donc premièrement l'importance de l'invocation, et deuxièmement le besoin des gens pour l'invocation. فالإنسان يحتاج إلى أن يدعو الله عز وجل ولا يمكن له أن يستغني عن الدعاء ولا يستغني عن الدعاء إلا مخذول ولا يدعو الله عز وجل إلا موفق لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم المحتاجون إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Donc l'être humain a besoin de son Seigneur et a besoin de demander à Allah, car Allah nous dit dans sourate Fatir: ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah, vous avez besoin d'Allah, et Allah est celui qui est riche en lui-même, tellement qu'il est riche, il n'a pas besoin de vous. Et en même temps, il est digne de louange, il mérite à être loué. Il mérite d'être loué, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il vous fait tous disparaître. Et il amène à votre place une création meilleure que vous. Et cela n'est certes pas difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur a besoin d'invoquer Allah. A besoin constamment d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. وإذا تأملت آيات القرآن الأخرى تجد مكانة الدعاء في القرآن العظيمة ومنزلته الرفيعة. آيات كثيرة في القرآن فيها الأمر بالدعاء والحث عليه وبيان فضله ومكانته. Si tu médites le Coran qui est le livre et la parole d'Allah et tu médites l'ensemble des versets du Coran, tu trouveras de façon claire la grande place de l'invocation chez Allah subhanahu wa ta'ala et la haute place que celle-ci occupe dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela à travers de nombreux versets dans lesquels se trouve l'ordre d'invoquer Allah et l'encouragement à invoquer Allah en montrant les mérites de l'invocation et la place de celle-ci. وما أعد الله تبارك وتعالى لأهله من الأجور العظيمة والثواب الجزيل والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. Également, celui qui médite les versets du Coran verra qu'Allah a montré ou a promis à ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'énormes récompenses et de très généreuses rétributions et de très grands biens dans ce bas monde et dans l'au-delà. تطالع في القرآن دعوات الأنبياء والصالحين من عباد الله وحسن صلتهم بالله جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Il nous dit que si tu lis le Coran, tu vas observer les différentes invocations par lesquelles les messagers et prophètes eux-mêmes ont invoqué Allah. Et parmi celles-ci, Allah nous dit dans sourate Al-Anbiya concernant les prophètes: certes, ils se précipitaient ou ils concurrençaient vers les bonnes choses, vers les bonnes actions. Et ils nous invoquaient, c'est-à-dire ils invoquaient Allah avec désir et crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Allah nous dit que les prophètes s'empressaient à faire les bonnes actions et faisaient la concurrence les uns avec les autres pour être celui qui adore le plus Allah. En invoquant Allah, en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment et en même temps en étant humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit: ils arrachent leurs flancs de leur lit, en parlant de ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Ils s'arrachent de leur nuit, de leur lit, pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir en sa miséricorde. Également Allah dit à son prophète: et sois endurant en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir. Ils font cela en voulant le visage de leur Seigneur, c'est-à-dire ils font cela sincèrement dans le but de voir le visage d'Allah le jour du jugement dernier. فالله عز وجل امتدح الأنبياء والصالحين من عباده لعنايتهم بالدعاء واهتمامهم به وحسن التجائهم إلى الله جل وعلا. Donc Allah a fait les éloges en vantant ses prophètes et les pieux parmi ses serviteurs parce qu'ils ont pris soin de l'invocation et ils ont donné une grande importance à l'invocation en se réfugiant chez Allah subhanahu wa ta'ala. وأخبر في هذه الآيات كلها بأنه استجاب لهم وأنه سبحانه وتعالى يجيب من دعاه ويعطي من سأله ولا يرد مؤمنا ناجاه. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: إن ربي لسميع الدعاء. Donc il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à travers ces versets que nous avons cités qu'il a exaucé l'invocation de ceux qui l'ont invoqué et que Il ne rejette pas l'invocation du serviteur qui lui demande. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, et je vous exaucerai. Et nous ici, nous ne voulons pas lire le Coran comme nous lisons le journal. Nous ne voulons pas lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous lisons un livre que nous avons trouvé dans une bibliothèque ou dans un bus, etc. Là, nous voulons méditer le Coran. Et ici, nous allons nous arrêter et méditer ce verset. Soyez présents avec vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. هذه آية واحدة لكنها عظيمة والله. C'est un seul verset, mais qui est très grand et qui a une très grande place pour celui qui a un cœur. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. لِمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ لِمَنْ تَأَمَّلَ كِتَابَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Pour celui qui médite le livre d'Allah, pour celui dont le cœur est vivant et qui écoute en étant témoin, et qui lorsqu'il lit ce verset comprend cette parole. Et wallah que si les musulmans comprenaient cette parole et la méditaient et la mettaient en pratique, sa vie entière changerait. Wallah, sa vie entière changerait. Allah a dit, Ud'uni astajib lakum. Demandez-moi et je vous exaucerai. أنت رأيت ملكا من الملوك يقول لك هذا رأيت رئيسا من الرؤساء يأتيك ويطرق بابك ويقول تريد شيئا أعطيك إياه. As-tu vu un roi parmi les rois venir, ou un président parmi les présidents, ou un ministre, ou un haut placé parmi tous ces gens venir frapper à ta porte et te dire demande-moi ce que tu veux, je te le donne? As-tu vu cela? Est-ce possible? Si aujourd'hui tu as une demande vers une grande personne, est-ce qu'il t'est facile de l'atteindre? Al-an indaka haja inda malikin min al-muluk aw ra'isin min ar-ru'asa ayumkinuka al-an wa anta fi hadha al-makan an tasila ilayhi aw an tattasila bihi litatluba minhu hajatak? La yumkin. Tahtaj ila آلاف الوسائط وربما لا تصل إليه. Aujourd'hui, si tu as un besoin qui se trouve chez un roi parmi les rois, un président parmi les présidents, un haut placé parmi les hauts placés entre guillemets, car le seul haut placé est celui qui adore Allah et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as un grand besoin aujourd'hui, tout de suite, dans l'endroit dans lequel tu te trouves, est-ce possible d'atteindre cette personne qui est? Est-ce possible d'atteindre ce roi ou ce président? Il ne t'est pas possible. Sauf si tu as des centaines d'intermédiaires. Même ces intermédiaires, il faut qu'elles soient des grands intermédiaires, des gens haut placés. Et à la fin, ta demande ne va peut-être même pas arriver à ce roi ou à ce président. Et si elle arrive, peut-être qu'il ne va pas prendre en compte parce qu'il est occupé, parce qu'il a oublié, ou peut-être parce qu'il n'a pas envie de te répondre. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. لا تحتاج إلى وسيطة, لا تحتاج إلى مال, لا تحتاج إلى دنيا, لا تحتاج إلى أن تكون معروفا, لا تحتاج إلى شيء من ذلك كله. إنما تقول يا الله يستجيب لك. فهل أنت تدعو الله عز وجل بعد أن أكرمك الله تبارك وتعالى بهذه الآية وغيرها كثير من كتاب الله عز وجل؟ Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'être reconnu, tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit. Tu as juste à dire « Ya Allah » et Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Alors, est-ce que tu invoques Allah? Est-ce que tu invoques Allah correctement après qu'Allah t'ait invité à l'invoquer? أتدري أن الله عز وجل إذا لم تدعوه وإذا لم تسأله تبارك وتعالى يغضب عليك؟ Sais-tu que si tu n'invoques pas Allah et si tu demandes à Allah Et si tu ne demandes pas à Allah, Allah s'énerve contre toi. Allah veut que tu le demandes parce qu'il veut te répondre. Subhanahu wa ta'ala. فَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُحْيَ قُلُوبَنَا وَنْ يُوَفِّقَنَا لِكُلِّ خَيْرٍ. Donc, médite ce verset. Ne lis pas ce verset comme un chapitre du journal. Lis ce verset comme la parole d'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas besoin de toi. Toi qui es faible, toi qui as des manquements, toi qui as tous les péchés que lui connaît. Subhanahu wa ta'ala, il te dit, demande-moi et je te donne. Alors demande à Allah et attache ton cœur à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, regardez la situation de la plupart des gens. Lorsque une personne a un besoin quelconque, une des premières choses qu'elle va faire, elle va se diriger vers le makhluq. الآن الإنسان إذا كان بحاجة إلى شيء ما أول ما يفعله أو أول ما يفعله أكثر الناس يتوجه مسرعا إلى المخلوق ويعرض عن الخالق. Aujourd'hui la plupart des gens, hélas et malheureusement, lorsqu'ils ont un besoin, la première chose qu'ils font, ils se dirigent vers la créature et délaissent le créateur. يا الله تترك خالق السماوات ومالك الأرض والسماوات وخالق الناس أجمعين وجميعهم من أولهم إلى آخرهم تترك الله عز وجل وتتذلل أمام المذلل أمام الذي هو ذليل أصلا تتذلل أمام غير الله عز وجل وتترك الله سبحانه وتعالى تلاس le créateur des cieux et de la terre. Tu laisses celui qui t'a tout donné et qui t'a donné ce dont tu as besoin et celui qui est proche de toi par le soin qu'il te donne et la place qu'il te donne, et tu vas t'humilier devant la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu vas t'humilier et te rabaisser et baisser ta tête devant un homme, une femme, une créature pour lui demander une chose. Peut-être il ne va même pas te la donner. Peut-être il ne va pas te respecter. Il ne va pas te prendre en compte. Alors que risque biyadillah. La subsistance est dans la main d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La subsistance n'est pas dans la main de la créature d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit comprendre ça. Le musulman doit comprendre. Et doit avoir les grandes estimes pour Allah. Yanbaghi lil muslim an yu'azzim Allah. سبحانه وتعالى المسلمون دواء إمانسي في الله. إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا تأمل يا مؤمن تدبر يا مسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأرض جميعا يقبضها الله عز وجل يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بيده اليمنى تبارك وتعالى اللائقة به ونحن لا ندري كيف هي ولكن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها سبحانه وتعالى عما يشركون. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous appelle à revenir vers lui. Il nous dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors qu'il fera de la terre entière une poignée le jour du jugement dernier. Et qu'il pliera les cieux dans sa main droite, qu'il soit exempté et élevé au-dessus de tout ce qui l'ont associé. Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si vraiment on comprenait cela, wallahi ya ikhwa, on n'a pas besoin de lire mille versets, mille hadiths. Le seul verset que nous venons de lire ici, wallahi, il suffit. Mais c'est nos cœurs qui sont atteints. C'est nos cœurs qui sont malades. هذه الآية الواحدة والله تكفينا في إحياء القلوب. Ce seul verset suffit pour comprendre que l'homme a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu t'humilies devant Allah comme tu t'humilies devant les autres? Aujourd'hui, tu vois une personne lorsqu'il est devant ou lorsqu'elle est devant son patron, humilié, rabaissé. Un grand respect pour le patron. Il met les meilleurs vêtements pour aller devant son patron. S'il arrive en retard au travail, il a peur, il est humilié, il a peur de ce que va dire son patron. Lorsqu'il arrive en retard à la prière, il n'a pas peur, il n'est pas humilié, il n'est pas rabaissé devant le créateur de son patron. Pourquoi? Parce qu'il a cru que la subsistance est dans les mains de son patron. Et la subsistance est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah هو الذي يرزقك مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ أَنْتْ أَيُّهَا الضَّعِيفُ. Allah Azza wa Jal dit, celui qui craint Allah en obéissant, Allah lui accordera une issue favorable et il lui donnera des dons sur lesquels il ne comptait pas. Et si le serviteur d'Allah revenait à Allah en invoquant Allah et en demandant à Allah, wallahi, Allah lui donnerait beaucoup plus de choses que les choses qu'il a eues en ayant couru derrière le makhluk, derrière le serviteur d'Allah. Donc c'est une chose à méditer, les frères et les sœurs. Également, Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. أَيْنَ رَأَيْتَ كَلَامًا مِثْلَ هَذَا؟ عند الملوك، عند الرؤساء، عند المتجبرين وعند المتكبرين. Où as-tu vu une parole semblable à celle-ci? Allah dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. Ma qala Allah azza wa jalla wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni faqul lahum inni qarib. La, faqal fa inni qarib. Ana qarib mink. Allah azza wa jalla dit dans ce verset, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. Il n'a pas dit, réponds-lui, je suis proche. Là, sans intermédiaire maintenant. Sans intermédiaire, je suis proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton appel. Pourquoi tu ne lui demandes pas? La plupart des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont chercher la solution chez le makhlouq. Ils vont chercher la solution chez le serviteur, chez la créature. J'ai besoin d'une ruqya. Il prend son téléphone et il appelle tout le monde. Alors, est-ce que tu peux venir me faire une ruqya, s'il te plaît, je suis dans le besoin, je suis dans le besoin. Et si tu ne peux pas lui répondre, il est patient, il va te rappeler demain, il va te rappeler après-demain, il va te rappeler dans une semaine, et il va patienter en te demandant constamment. Est-ce qu'il a patienté en demandant à Allah comme ça? Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a besoin de quoi, d'une chose quelconque, est-ce qu'il la demande à Allah comme il la demande à autre qu'Allah? Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah a dit, je suis proche, tout de suite là, pendant que tu es assis, tu peux demander ce que tu veux à Allah. Est-ce que vraiment tu te rends compte de ça? Est-ce que vraiment tu te rends compte que maintenant, tout de suite, dans l'endroit dans lequel tu te trouves, tu peux demander ce que tu veux à Allah et Allah peut te le donner? Voilà comment doit être le musulman quant à ces versets. Également, Allah Azza wa Jalla a dit, Inna Rabbi la sami'u du'a. C'est une phrase qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Certes, mon Seigneur entend parfaitement les invocations. Wa akhbara an nafsihi subhanahu wa ta'ala bi dhalik wa annahu yujibu da'wat ad-da'in wa annahu qaribun sami'un mujibun jalla wa ala. Hadha kulluhu mimma yubayyinu lana makanata ad-du'a'i fi al-Qur'an wa annahu 'ibadatun 'azima wa habibatun ila Allah jalla wa ala wa yuhibbu subhanahu wa ta'ala min 'ibadihi ad-du'a. يحب منهم الإلحاح والتضرع وكثرة المناجات والسؤال. يحب منهم تبارك وتعالى أن يكون دعاؤهم بينهم وبينه خفية ومناجات. يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah Azza wa Jal a informé ses serviteurs lui concernant qu'il répond aux invocations de celui qui l'invoque et qu'il est proche, entendant et répondant. Et tout cela nous montre la place de l'invocation dans le Coran et qu'elle est une grande adoration aimée par Allah. Allah aime de ses serviteurs qu'il l'invoque et il aime de ses serviteurs qu'ils insistent dans la vocation. Al-ilhah fil du'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-yum, wa ba'da al-yum, wa ba'da ghadan, wa ba'da thalathati ayyam, wa ba'da al-usbu' da'iman. Wa hadha huwa al-ilhah fil du'a. Tubayyin annaka fi amass al-hajati ila rabbik subhanahu wa ta'ala. Allah aime de ses serviteurs qu'ils insistent. يا الله يا الله يا الله فكثير من الناس يقول يا الله أعطني كذا وكذا يوم يومين ثم يترك الدعاء ويقول أنا دعوت الله الله ما استجابني وهذا خطأ فاحش وخطأ كبير لا بد أن تصبر وتدعو الله ثم تدعو ثم تدعو ثم تدعو حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى الله أم كسي سيرفيتور انسيست et montre qu'ils ont besoin de son Seigneur, de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, contrairement à l'erreur dans laquelle est tombé beaucoup de gens qui invoquent Allah une ou deux ou trois fois, puis qui disent j'ai invoqué mais Allah ne m'a pas répondu. C'est une grave erreur et un manque immense de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah aime de ses serviteurs qu'il s'humilie et qu'il se rabaisse lorsqu'il l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu te rabaisses, que tu baisses ta tête, que tu lèves tes mains, que tu pleures, que tu montres que tu es faible et que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime que tu l'invoques beaucoup également de manière distraite, en baissant ta voix, non pas comme le font beaucoup de gens en criant, car cela est un manque de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir à travers ces cours. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-A'raf, nous a enseigné le bon comportement à adopter lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allah allamana adab al-du'a. Adab al-du'a, kayfa tad'u Allah azza wa jal. Tarfa' sawtak, tasta'jil, tusi'u dhann billah. كل هذه الأمور خطأ. Est-ce que tu dois lever et crier? Est-ce que tu dois penser qu'Allah ne va pas t'exaucer? Est-ce que tu dois te presser? Tout cela fait partie des erreurs faites par beaucoup de gens. Allah dans le verset nous dit: invoque ton Seigneur avec humilité et crainte, car certes il n'aime pas les transgresseurs. Ensuite Allah nous dit: et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le par crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. هذا كله مما يبين لك مكانة الدعاء في كتاب ربنا عز وجل. وهذا إذا نظرنا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطيرة وهديه القويم نجد مكانة الدعاء العظيمة وارتباطها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم ولهذا تكاثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث الدالة على فضل الدعاء وعظيم مكانته عند الله جل وعلا وأنه عبادة جليلة وطاعة عظيمة يحبها الله ويرضاها عن عباده مما جاء في ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه. Il nous dit que tout ce dont nous venons de parler et tout ce que nous venons de citer nous montre la grande place de l'invocation chez Allah et dans son livre. Et également, si nous méditons dans la sunna du prophète, c'est-à-dire dans sa biographie et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans sa guidée, nous allons également voir la grande place qu'occupe l'invocation et le lien que celle-ci a avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son prêche et avec sa biographie et avec sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hadiths nous montrant l'importance de l'invocation, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmad et rapportée par Tirmidhi ibn Majah et autres, et jugée bon par l'imam Al-Albani rahimahullah, le prophète nous dit « Man lam yas'alillah yaghdab alayh » Celui qui n'invoque pas Allah, Allah s'énerve contre lui. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yu'tiyaka su'lak wa talabak. Wa idha lam tad'uh wa idha lam tas'alhu yaghdab 'alayk. Allah tabaraka wa ta'ala veut te donner ce dont tu as besoin. Mais bien sûr, en faisant la cause, en demandant à Allah. Et si tu n'invoques pas Allah et tu ne demandes pas à Allah ce dont tu as besoin, Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve contre toi. أتدري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون النعال فإذا انشقت نعالهم دعوا الله عز وجل أن يرزقهم نعالا جديدة حتى النعل لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل يريد أن تدعوه. Sais-tu que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ils avaient des claquettes, des sandales qu'ils mettaient. Et lorsque leurs sandales se déchiraient ou se craquaient, et plus particulièrement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le bout de la sandale qui entre entre les deux doigts du pied. Vous savez, le petit bout, la petite ficelle qui entre entre les deux doigts du pied de la claquette ou de la tongue ou de la sandale que tu mets. Lorsque ce bout se craquait, la claquette ne tenait plus dans leurs pieds. Ils levaient leurs mains et disaient « Allah, je te demande de me remplacer cette ficelle. » Et nous aujourd'hui, nous pensons que nous devons demander à Allah que les choses impossibles ou les choses difficiles et immenses. Et cela est faux. Tu demandes à Allah de l'eau, tu demandes à Allah des vêtements, tu demandes à Allah la santé, tu demandes à Allah tout. Il n'y a pas une chose que tu ne demandes pas à Allah. Et plus tu demandes à Allah ces choses-là, plus ça veut dire qu'Allah est grand dans ton cœur. Plus ça veut dire que tu as compris qu'Allah est celui qui donne tout et qu'il est celui qui possède tout. Et plus tu fais cela, plus Allah te donne. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah s'énerve contre toi si tu ne l'invoques pas et si tu ne lui demandes pas ce dont tu as besoin. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammar ra'aka Allah. Hadha al-hadith al-azim. في الدلالة على فضل الدعاء ومكانته عند الله وحب الله سبحانه وتعالى له من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا يفيد أن الدعاء حبيب إلى الله وأن الله عز وجل يحب أن يسمع من عباده مناداته ومناجاته أو مناداته ومناداته مناجاته وطلبه وسؤاله ويحب منهم أن يلحوا عليه في ذلك. Donc tout cela nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur invoque Allah. Allah azza wa jal yuhibbu ad-du'a, yuhibbu an tad'u Allah ayyuha al-muslim. Allah aime que tu l'invoques et que tu lui demandes. Walidhalika qala ash-sha'ir Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Regardez, Allah akbar. Il nous dit, Allah s'énerve contre toi si tu arrêtes de lui demander. Et le fils d'Adam, le serviteur, s'énerve quand tu lui demandes. Al-insan yarda bila idha sa'altahu. Allah yarda idha lam tas'alhu. Le serviteur d'Allah s'énerve. Anta tadhhab ila Zayd wa taqul lahu ya Zayd a'tini al-ma, a'tini al-mal, a'tini al-thiyab, a'tini kadha. سيغضب أنت دائما تسألني دائما تسألني. أما ربك سبحانه وتعالى يغضب عليك إذا لم تسأله. وهذا الفرق بين الخالق الغني والمخلوق الضعيف. Regardez la différence entre le créateur et la créature. Allah سبحانه وتعالى, la créature d'Allah, lorsque tu lui demandes beaucoup de choses, il arrive un moment où il se lasse, il s'énerve et il le dit, tu en fais trop et tu me demandes trop de choses, arrête de me demander. Il ne peut plus supporter la demande parce qu'en vérité il ne peut pas répondre à cette demande car il est faible, car il a des manquements. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve contre toi si tu ne lui demandes pas et veut que tu lui demandes de façon constante et que tu insistes dans ta demande. Et plus tu insistes, plus tu lui demandes, plus il te donne. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Adam yardab hina yus'al. وإذا كثر عليه كثر الغضب عنده. وأما الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى فإنه يغضب عندما يترك العبد سؤاله، فترك السؤال فيه نوع من الاستكبار. Il nous dit, après avoir dit ce que nous venons de dire, que le fait de délaisser l'invocation d'Allah est une sorte d'orgueil et fait partie de l'orgueil. ولذلك قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون الذين لا يدعون الله يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء مهانين لأنهم لم يدعوا ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكر الآية. Ensuite il nous dit que c'est une sorte d'orgueil de ne pas invoquer Allah, car Allah a dit, certes ceux qui votre Seigneur a dit, invoquez-moi je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent en refusant de m'invoquer,